Le baron, de son côté, méditait de grandes entreprises agricoles. Il voulait faire des essais, organiser le progrès, expérimenter des instruments nouveaux, acclimater des races étrangères. Et il passait une partie de ses journées en conversation avec les paysans qui hochaient la tête, incrédules à ses tentatives. Souvent aussi, il allait en mer avec les matelots d'Yport. Quand il eut visité les grottes, les fontaines et les aiguilles des environs, il voulut pêcher comme un simple marin. Dans les jours de brise, lorsque la voile, pleine de vent, fait courir sur le dos des vagues la coque joufflue des barques et que, par chaque bord, traîne jusqu'au fond de la mer la grande ligne fuyante que poursuivent les hordes de maquereaux, il tenait dans sa main tremblante d'anxiété la petite corde qu'on sent vibrer sitôt qu'un poisson pris se débat. Il partait au clair de lune pour lever les filets posés la veille. Il aimait à entendre craquer le mât, à respirer les rafales sifflantes et fraîches de la nuit. Et, après avoir longtemps louvoyé pour retrouver les bouées en se guidant sur une crête de roche, le toit d'un clocher et le phare de Fécamp, il jouissait à demeurer immobile sous les premiers feux du soleil levant qui faisait reluire sur le pont du bateau le dos gluant des larges raies en éventail et le ventre gras des turbots. À chaque repas, il racontait avec enthousiasme ses promenades et petite mère à son tour lui disait combien de fois elle avait parcouru la grande allée des peuples, celle de droite contre la ferme des Couillards, l'autre n'ayant pas assez de soleil. Comme on lui avait recommandé de prendre du mouvement, elle s'acharnait à marcher. Dès que la fraîcheur de la nuit s'était dissipée, elle descendait, appuyée sur le bras de Rosalie, enveloppée d'une mante et de deux châles, et la tête étouffée d'une capeline noire que recouvrait encore un tricot rouge. Alors, traînant son pied gauche, un peu plus lourd et qui avait déjà tressé dans toute la largeur du chemin, l'un à l'aller, l'autre au retour, deux sillons poudreux où l'herbe était morte, elle recommençait sans fin un interminable voyage en ligne droite depuis l'encoignure du château jusqu'aux premiers arbustes du bosquet. Elle avait fait placer un banc à chaque extrémité de cette piste et toutes les 5 minutes, elle s'arrêtait, disant à la pauvre bonne patiente qui la soutenait « Asseyons-nous, ma fille, je suis un peu lasse. » Et, à chaque arrêt, elle laissait sur un des bancs tantôt le tricot qui lui couvrait la tête, tantôt un châle, et puis l'autre, puis la capeline, puis la mante. Et tout cela faisait, aux deux bouts de l'allée, de gros paquets de vêtements que Rosalie rapportait sur son bras libre quand on rentrait pour déjeuner. Et dans l'après-midi, la baronne recommençait, d'une allure plus molle, avec des repos plus allongés, sommeillant même 1 heure de temps en temps sur une chaise longue qu'on lui roulait dehors. Elle appelait cela faire son exercice, comme elle disait, mon hypertrophie.